Chapitre 6. Le pouvoir qu'offre l'art du dessin est limité. L'amour, lui, est infini. Merwin Rhyl Avalon. Si tu peux faire un pas sur le côté, tu peux nous conduire là-haut. Camille s'était adressée à son frère et attendait sa réponse, anxieuse. Mathieu et Siam étaient revenus vers leur compagnon, main dans la main, comme si ce qui venait de se passer avait entériné leur relation. « Allons-y, » répondit-il simplement. Camille attrapa son bras et se laissa emporter. Ils se matérialisèrent au sommet du pic du destin, devant l'ouverture qu'ils avaient repérée. Camille perçut immédiatement qu'à cette hauteur, l'imagination lui était de nouveau accessible. Elle dessina sa flamme favorite, puis ils pénétrèrent dans la grotte. C'était une cavité peu profonde, tapissée de sable fin. L'air y était sec. Une odeur de menthe totalement incongrue en ce lieu y flottait. Altan et Elysia se tenaient tout au fond, immobiles, debout l'un contre l'autre, un sourire mystérieux aux lèvres. Une fine couche de poussière les couvrait, seule preuve du temps qui s'était écoulé depuis qu'ils avaient cessé de bouger. Leurs traits étaient paisibles, empreints, malgré la rigidité qui les figeait, d'une sérénité sans faille. Pas un frémissement ne parcourut le corps d'Altan quand son fils, doucement, posa la main sur sa poitrine. Et Elysia ne broncha pas lorsque Camille écarta une mèche blonde qu'un vent ancien avait repoussée au milieu de son visage. Ils auraient pu tout aussi bien être morts. Ils ne l'étaient pas. Ils attendaient, depuis des années. Ils les attendaient, eux, leurs enfants. Camille s'immergea lentement dans les spires. Les liens qui maintenaient ses parents prisonniers avaient été forgés par les êtres les plus redoutables qui soient. Ils étaient complexes, presque indestructibles, mais cela n'avait aucune importance. Elle prit conscience du chemin invisible qu'elle avait suivi pendant des années et qui l'avait conduite jusque dans cette grotte. Elle comprit que jamais elle n'avait été seule. Ils avaient toujours été là, près d'elle. Le dessin qu'elle créa fut à l'image de l'amour qu'il lui avait toujours porté. Puissant, irrésistible, infini. Altan et Elysia furent libres. 7 années de séparation s'évanouirent tout à coup. 7 années d'immobilité prirent fin dans un éclat de bonheur limpide. Et Willan et Akiro tombèrent dans les bras de leurs parents. Ils restèrent longtemps immobiles, serrés les uns contre les autres, sans parler. Puis Elysia fit un pas en arrière, s'écartant de ses enfants pour mieux les contempler. Camille se tourna alors vers elle, et un mot franchit ses lèvres. Un mot qu'elle avait désespéré de prononcer un jour. « Maman !» Ses yeux s'embuèrent. Une larme roula sur sa joue. « Maman !» Elle avait crié. Une angoisse atroce lui broyait l'estomac. Elle haletait. La force presque surnaturelle qui lui avait permis de franchir tant d'obstacles s'enfuyait d'elle par des milliers de déchirures, la laissant aussi faible qu'un nouveau-né. Elysia la vit pâlir. Elle agit comme toutes les mères agissent lorsque leurs enfants ont peur. Elle la saisit dans ses bras et la serra contre son cœur en lui murmurant de tendres paroles à l'oreille. Elle attendit que les larmes, qui maintenant coulaient à flots, se tarissent. Et lorsque Camille, longtemps plus tard, se calma enfin, elle continua doucement à la bercer. « Je suis là, ma toute petite. Je suis là. Je ne te quitterai plus jamais.